cours numéro 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد تقدم معنا في درسنا الاخير ان المنصوح سال الناصح عن طريق يجمع بين السعاده الدنيويه والسعاده الاخرويه المنصوح اي celui qui se fait conseiller dans cette risala. Il a demandé à Nasih, à celui qui le conseille, et comment faire? Quel chemin emprunter pour être heureux dans cette vie-bas, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà? Nasih, et il a répondu avec un kalam mufid, jidd. Faqala, i'lam anna usul al-ladhat al-matlouba hiya. Et il a cité trois points. Et ensemble, dans le dernier dars, on a lu l'explication du premier. Enfin, le premier point, c'est donner de l'importance à ce cœur. Soigner ce cœur, traiter ce cœur. Ce cœur, il est combattu. Il est combattu par les ennemis de l'islam. Il est combattu par les faussaires. Il est combattu par les hypocrites avec des ambiguïtés, avec des ma'asi, avec des péchés. Si ce cœur est faibli ou est durci, l'insan, il aura beaucoup de mal à être heureux. Fait dunya ou fait l'akhir. Ah, mais si ce cœur, iyadun billah, s'assombrit avec le shirk al-akbar, associé à Allah Azza wa Jal fil ibada, l'insan, il perdra tout. Iyadun billah, s'il meurt à la hada. Il aura une vie misérable vie dunya et vie al-akhira al-adab al-akbar. Et les autres péchés, par rapport au péché, si ce n'est pas du shirk akbar, par rapport au péché, il aura, iyadun billah, une mauvaise vie et risquera un châtiment fil akhira. Et Cheikh Saadi rahimahullah, il a montré comment tu fais pour l'éduquer, pour le corriger, pour le traiter, pour le soigner bil-iman. Avec le Coran, avec le Sunna, avec l'ilm nafi', avec ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, avec le tawhid. Tawhid al-ibada, هذا القلب, il va, بإذن الله عز وجل, être vivant. Et tu trouveras que l'insan, il sera heureux. أولا, le cœur. Et c'était le dars précédent. قال ثانيا القناعة. والطمأنينة بما أوتيته أو أوتيه العبد من المطالب الجسدية. Deuxième point, القناعة. لماذا? L'insan, forcément, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner certaines choses. Enfin, si ce abd, il a cette qana'a, on va détailler ensemble, incha'Allah ta'ala, il sera heureux. Enfin, aujourd'hui, on lit ce deuxième point, wa billahi tawfiq. Qal wa amma al-amru thani, fa inna Allah a'ata al-ibad al-quwata wa-s-sihata. وما يتبع ذلك من مال وأهل وولد وحول وغيرهم وغيرها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à هذا العبد القوة والصحة. Et ça dépend des personnes. Certaines personnes, مثلاً, ils sont éprouvées par des maladies, لكن ils ont de l'argent, ils ont des enfants. D'autres, ils sont en bonne santé, لكن ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. وهكذا لكن على كل حال, chaque personne, ولله الحمد, il a des ni'am. Et toutes ces ni'am, c'est min Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ. Enfin, cette ni'ma, ça peut être la bonne santé. Ça peut être al-mal, des biens. Ça peut être ahl, une femme ou une famille, des enfants. Et d'autres ni'am. لَا تُعَدْ وَلَا تُحْصَى. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَلْ مُنْعِمِدًا عَكِيبًا. Sans compter. قال والناس بالنسبة لهذه الأشياء نوعان. Vu que chaque être humain, il est touché par ni'am Allah subhanahu wa ta'ala. Même le kafir. Cet enfant que le kafir il a eu, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Cette bonne santé, c'est min Allah. Cette vie qu'il a, c'est min Allah. Il mange, il respire, c'est min Allah. Donc chacun il est touché par les ni'am, lakin le compte comportement de l'être humain, ou comment il va réagir par rapport à ce bienfait, cette ni'ma, tu as deux catégories de personnes. قال قسم صارت هذه النعم في حقهم محنا ونقما. Premier cas, أن سنعم عيادا بالله, pour cette catégorie ça devient des محن, نقم, c'est un châtiment. يظنون هؤلاء أنهم ils profitent, أنهم ils sont heureux, أنهم c'est pour leur bien. في الحقيقة c'est qu'une épreuve et c'est un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il les châtie, il les punit avec ses ni'am. وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et ils ne savent pas. Deuxième catégorie, وَقِسْمٌ صَارَ فِي حَقِّهِمْ نَهَمًا وَخَيْرَاتٌ وَمِنَحًا. L'opposé de la première catégorie. Enfin, pour هؤلاء, c'est du bien. خَيْر, مِنَح, ni'am. Et ça leur sera utile في الدنيا وفي الآخرة. قَالَ أَمَّا أَهْلُ الدِّينِ الْحَقِيقِي فقد قابلوا هذه النعم وتلقوها على وجه الشكر لله والاغتباط بفضله وتناولوها على وجه الاستعانة بها على طاعة المنعم. Et ça c'est le signe. Pourquoi ces ni'am, c'est profitable pour eux? لماذا؟ لأنهم أولا يشكرون. Ils sont reconnaissants. Contrairement au kafir. Al kafir, vous avez remarqué, tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il possède plutôt, من صحة ومال وأهل ولذات الدنيا, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, et يظن أنه ça vient de lui. حتى البعض عيادا بالله يقولون c'est la sueur de mon front. وبعض المسلمين تأثروا بهذه الكلمة. Quand tu lui dis مثلا, il dit ça c'est la sueur de mon front. Ça c'est من نعمة الله عليك. Si Allah subhanahu wa ta'ala il n'aurait pas voulu, tu n'aurais jamais eu cette chose. فكيف celui qui prétend أنه c'est la sueur de son front, il oublie le منعم. عيادًا بالله. Comment ça يشكر؟ أما المؤمن il dit pas c'est la sueur de mon front, il dit c'est بإذن الله عز وجل, il dit c'est من فضل الله عز وجل, et il reconnaît qu'il est مقصر, أنه il a des faiblesses. فلولا فضل الله سبحانه وتعالى il n'aurait pas tout cela. Et même s'il cite la cause, أنه c'est la cause, فبتواضع, avec modestie. قال وعلموا أنها من أكبر الوسائل لهم إلى رضا ربهم وخيره وثوابه إذا استعملوها فيما هيئت له وخلقت له. Cette ni'ma, si l'insan l'utilise cette ni'ma, il se sert de cette ni'ma pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient une ni'ma azima pour lui. مثلا هذه الصحة, cette bonne santé, ce temps libre, c'est une ni'ma min ni'am illahi azza wa jal. فهو il fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour apprendre l'ilm, pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre din Allah azza wa jal, pour faire des bonnes œuvres, pour aider ses frères musulmans. Cette ni'ma de bonne santé, هذا العبد, il est gagnant. C'est des hasanat. Il trouvera du khayr yawm al-qiyama. Amma, la bonne santé, c'est une ni'ma min ni'am illah, et l'insan, iyadan billah, il fait que du sport. L'insan, iyadan billah, il fait que du haram. Sajda, sujoud, il ne le fait pas lillahi azza wa jal. Est-ce que ça va être utile? Abadan. Abadan. Bel akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam anna, il a donné un exemple d'un kafir yawm al-qiyama. Annahu samin, kabir, il a akhiri, bonne santé. Lakin la yuzan indallah janah ba'oud. Yawm al-qiyama, le poids de l'aile d'un ba'oud, moustique. Si tu viens à peser l'aile d'un moustique, ça pèse rien. C'est quelque chose. Il faut un appareil avancé pour que tu aies quelques chiffres. Et la haqiqa, c'est rien. هكذا حال هذا الكافر. قال وقد رضوا بها عن الله كل الرضا فإنهم علموا أنها من عند الله الذي له الحكمة التامة في جميع أقضيته وأقداره أي قضائه وقدره. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété hala. Hada, c'est important. Cette ni'ma, awlan, al-i'tiraf. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Et tu dois savoir, ta'tarif, anna cette ni'ma, c'est min Allah. Et hada, l'i'tiraf, ça montre l'iman. Amma, oublier. Si on oublie et on est insouciant, on aura du mal à être reconnaissant. Si on n'est pas reconnaissant, enfin, ça va pousser, ça va impliquer Obama que cette ni'ma, on ne l'utilise pas, et ça devient niqma. Ça devient une épreuve, un châtiment, un adab. Ayyadam billah. Cette bonne santé, c'est une hujja contre toi, yawm al-qiyam. Cet enfant, Obama, c'est une hujja contre le père ou la mère. Cette maison, c'est bien, c'est une épreuve contre lui au Qiyamah. L'imam d'Aliyan al-Insan, il sera interrogé sur ses biens, sur ses enfants, sur sa bonne santé, il a akhir. Qala, wa lahu ar-rahmatu al-wasi'a fi jami' tadabirihi, wa lahu an-ni'matu as-sabighatu fi kulli 'atayah, wa huwa arhamu bihim min al-khalq ajma'in. Fa haythu 'alimu al-'ilm al-yaqini. صدورها ممن هذا شأنه أي من الله قنعوا بما أعطوه منها من قليل وكثير كل القناعة وسكنت قلوبهم عن التطلع والتطلب لما لم يقدر لهم الآن c'est le deuxième point القناعة. Si tu as compris هذا et tu sais que ces ni'am c'est من عند الله. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété, c'est lui le hakim, c'est lui le khabir, il sait tout. Et il donne à chacun, et il a une sagesse, azza wa jal. Si tu as compris hada, ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété, ce que tu as, même si c'est peu, tu auras de la qana'a. Tu diras alhamdulillah. Le fait que tu dises alhamdulillah, et que tu es satisfait, ce que tu as, ça te suffit, tu te contentes, même si c'est peu, tu auras une vie heureuse. Pourquoi ? Tout ça pour montrer à ceux qui pensent que Bilad al-Kufr c'est mieux que Bilad al-Muslimin, ou annahum ils sont avancés, ou annahum ils ont une meilleure vie que nous, c'est le kadib, c'est pas vrai. Même s'ils sont avancés par rapport à certains pays musulmans, niveau industrie, niveau dunya, niveau technologie, il a akhiré, c'est un adab, c'est une fitna. Qu'est-ce qu'il va gagner de tout cela? Et on le répète, ce qu'ils ont, on l'a. Alhamdulillah, les musulmans, ils ont des voitures. Alhamdulillah, les musulmans, ils ont des téléphones. Alhamdulillah, les musulmans, ils ont des vêtements. Ça suffit. Perdre toute notre vie dans une technologie, matalan, le téléphone, tu perds toute ta vie, viada. Et au Qiyama, qu'est-ce que tu vas dire? Muslim, il vient, walillah, alhamd, il achète ce téléphone, il s'en sert. Et c'est une ni'ma, il l'utilise sur ta'atillah et on n'en parle plus. C'est ça qui veut démontrer An-Nasih ou Mansour. Anna, ne te fais pas tromper par le kuffar. Ce ni'am, c'est un châtiment. Celui qui a cette qada'a, il ne sera plus attiré par les kuffars. Limada, kathirun min al-muslimi l'an, ils sont attirés par al-gharb, par l'Occident. Beaucoup de muslims, l'an, leur rêve, c'est d'aller en Occident, d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada, d'aller en Australie. Pourquoi? Est-ce que c'est pour l'ilm? Abadan. Al-Kufar, ils donnent aucune importance au ilm du Coran et de la Sunna. Est-ce que c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Abadan. Al-Kufar, ils mettent des bâtons dans les roues partout. Certains pays plus que d'autres. Lakin, c'est des ennemis de l'islam. Ils détestent l'islam. C'est pourquoi? C'est pour Adonia. Même lui, même ce musulman, si tu lui demandes, il va te dire, c'est pour Adonia. Avoir de homme, ils vont dire, c'est pour les droits. L'imam al-Aliyan, il ne connaît pas le Kufar. Si tu as compris ça, tu auras la qana'a, tu vas te contenter du peu, même si tu es dans la difficulté, lakin tu sais que tu es dans une ni'ma. Qala wa mata hasalat at-tuma'nina wal qana'a wal ridha 'an Allah bima a'ta faqad hasalat al-hayat at-tayyiba. At-tuma'nina, ça revient au premier point, ar-raha, le cœur. L'insan, il est tranquille, walillahil hamd. Il est content de ce qu'il a. C'est un musulman. Et alhamdoulilah, il peut appliquer son din. Et qu'il sait que c'est un passage. Il sait qu'il est de passage. Ça peut s'arrêter à tout moment. Alhamdoulilah, il se prépare et il est faraha. Al-qana'a, il se contente du peu. Ça y est, inshallah, l'explication, c'est ce point. Et il est satisfait. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné moins qu'un autre, peut-être qu'il t'aurait donné plus, tu t'égares. Allah, il veut ton bien, il te donne qu'un peu. Quand ils avaient peu, ils étaient à la khair, ils ont eu beaucoup d'argent, ils se sont égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et ils se sont égarés, les anna Allah subhanahu wa ta'ala, alima. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Anahu, il méritait l'égarement. Ça a été une fitna pour l'argent. Fahmadillah. Ahmadillah, cette, ayyadan billah, cette pensée, had al-fikr anna, plus on aura, plus on sera heureux, ça c'est afkar al-kuffar. Ça c'est afkar al-kuffar. Amma al-mu'min là, il est heureux si, walillahi alhamd, il suit un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est heureux s'il arrive à appliquer son dîme. Amma dunya, s'il a, alhamdulillah, s'il a moins que les autres, alhamdulillah. C'est pas ça l'essentiel. Al-mu'min, qu'est-ce qu'il recherche, fil haqiqa? Il recherche al-jannah. Al-jannah, al-am. Al-jannah, c'est une demeure que pour les plaisirs. Tu as tout ce que tu veux. Fiha ma la'inun ra'at, wa la udunun sam'a, wa la khatr ala qalbi bashar. Tout ce que tu veux. Min jannat wa fawakih wa anhar wa zawjat ila akhiri. Alhamdulillah, c'est dar al maladhat, dar al qarar. Ça s'arrêtera jamais que des plaisirs. Fa al-mu'min, les plaisirs, il les espère fi jannat. Amma fi dunya, c'est pas une demeure de plaisirs là. C'est une demeure pour appliquer. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Hadi ad-dar, c'est une terre où tu dois faire des efforts. Comme l'agriculteur, il fait des efforts. Al-harth, il va planter, il a akhiré. Thumma, il va avoir une période où il va cultiver, il va avoir des choses, il aura des fruits, des légumes, et il profitera. Hakada, cette dunya, tu plantes, tu vas semer des graines. Et tu fais des efforts. Et tu espères manger, profiter de ces graines, yawm al-qiyama, et avec tes œuvres. Amma, ba'd al-muslimin al-an, tellement qu'ils se sont écartés du din, ils pensent qu'au plaisir. Fid dunya, il ne faut pas qu'ils tombent malades. Il faut qu'il ait beaucoup d'argent, il faut qu'il ait des maisons, il faut qu'il ait des voitures, il faut qu'il s'habille de telle façon. Il fait tous ses efforts dans ça. Un jour, la mort, l'ange de la mort, il vient, tout s'arrête. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, on ne dit pas, il ne faut pas manger, il ne faut pas se soigner, il ne faut pas acheter de maison, de voiture. Là, l'akin fait des efforts mashrou'a, sans dépasser les limites, sans oublier ton dé. Et alhamdulillah, min al-mu'minin, il y en a, ils sont riches. Min ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Minhum Uthman radiyallahu anhu. L'akin, ta'ammalou, les efforts c'était fil halal, et ce qu'il avait, beaucoup, c'était dépensé fi sabilillah. Il a gagné ad-dunya wal akhirah radiyallahu anhu, et d'autres compagnons. Amma notre objectif, ça devient que ad-dunya, et on oublie notre din, et nos enfants kadhalik, ils sont éduqués ala hadha, ayyadan billah. Ça c'est la route pour sortir de l'islam, ayyadan billah. Ay, délaisser son din. Amma al-qana'a, faqala al-Tha'labi, ay, une définition de al-qana'a, al-qani' min al-qana'a, huwa aw wa hiya ar-ridha wa at-ta'affuf wa tark as-su'al. C'est ça al-qana'a. Ar-ridha, tu es satisfait. Mathalan, alhamdulillah, tu as de quoi vivre. Toi et ta famille, tu as un foyer, tu manges, tu es satisfait, alhamdulillah. Même si tu as moins, tu n'as pas d'enfant, mathalan, alhamdulillah, tu es satisfait. Limadha? Li'anna Allah fait ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, certains, ils ne leur donnent pas d'enfant. فأولا الرضا التعفف سند العفة أي tu te rabaisses pas pour demander aux autres, عياذا بالله, et tu dépasses pas les limites, ou tu fais du haram pour manger ou pour boire ou أبدا عفة. Troisième, ترك السؤال, cette عفة et هذا الرضا, ça va te pousser à ne pas demander إلا sauf dans certains cas, tu ne peux plus ila akhir. Tu es contraint. Enfin, fi hadha al-hal, c'est permis. Et hatta fi hadha al-hal, c'est pas à la wajha, iyadan billah, le rabaissement, ou l'insan yudhil nafsa, abadan. Même fi hadha al-hal, s'il demande, thumma, quand il a, il rend. Walillahi alhamd. C'est ça, al-qana'a. Celui qui a hadha, bi idnillahi azza wa jal, ça va l'aider à avoir une vie taïb. Le contraire de hada, c'est quoi? C'est même si là il veut toujours rechercher, toujours plus. Et parmi les choses qui aident à avoir cette qana'a, bien sûr l'ilm, bien sûr l'iman, faire des efforts fil aqida, bien sûr, surtout le point al-qadr, le destin. Kadhalik, étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des messagers, alayhim salatu wasalam, des compagnons, radiyallahu anhum, et des salaf. Quand tu vas lire leur biographie, ça va te pousser à avoir cette qana'a. Kadhalik, mimma yu'in ala hadhi al-qana'a, tatbiq qawla nabi sallallahu alayhi wa sallam, unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Hada, c'est tayyib. Unzuru, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé, unzuru ila man asfala minkum, regardez ceux qui sont en dessous de vous. Mathalan, tu as la bonne santé, enfin, regarde ceux qui sont malades. Tu vas dire alhamdulillah. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, même, tu vas dire alhamdulillah. Tu es atteint d'une maladie, tu souffres. Regarde, certains, ils ont perdu la vue, ils n'entendent pas, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes, ils ne peuvent pas se déplacer. Certains, ils sont en fauteuil roulant. Certains, ils sont cloués en lit d'hôpital. Alhamdulillah. Tu as un peu, tu as du mal à finir le mois. Certains, ils sont dans la rue. Ils n'arrivent pas à commencer le mois. Certains, ils n'arrivent pas à finir le mois. Ou ils n'arrivent pas à le commencer. Il n'a rien. Enfin, tu dis, alhamdulillah. Qala, wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Surtout, ne regarde pas ceux qui sont au-dessus. Tout ça, bien sûr, les ulama, ils expliquent, c'est fi ma yata'alaq bid dunya. Amma fi l'ilm wa l'ibada. Là, tu dois prendre comme exemple le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, ça te motive. Amma fi umur ad-dunya, regarde pas ceux qui sont au-dessus de toi. Et c'est la situation de beaucoup de gens. Foulan, il a une voiture tel modèle, il faut qu'ils achètent la même voiture que le voisin. Les cousins ou les frères et sœurs, ils ont acheté une maison, il faut qu'ils achètent une maison. Et ils s'endettent avec un crédit, tombent dans le haram, et iyadan billah, harbun min Allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Limada tout ça. Ils veulent vivre comme les autres alors qu'ils n'ont pas les moyens. Pourquoi? Les annahum, ils regardent. Il leur manque quoi? Al-qana'a. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a donné à ton voisin, walillahi alhamdu, de l'argent halal, et il a acheté une belle voiture, ou il a acheté une maison, ou, et toi, tu as moins. Fahamdulillah, c'est qadar Allah subhanahu wa ta'ala. On est content pour notre frère, et nous, on n'a pas les moyens, enfin, on reste à notre niveau. Amma, beaucoup de gens, ils vivent au-dessus de leur niveau, ils n'ont pas cette qana'a, et ils vivent une vie, iyadan billah, fi ta'ab. Ta'ammal, les manifestations en France, là. Haoula, al-ashrar, al-mufsidoun, qui cassent, qui brûlent, qu'est-ce qu'ils ont? Si tu viens à réfléchir, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont manque de qana'a. Ils regardent les autres. Tel paysan, alors qu'ils sont dans des ni'am kathira. En France, le haqqira, ils manquent de rien. Ils auraient regardé d'autres pays. Pas d'eau, pas d'électricité, pays en guerre, pas d'hôpitaux corrects. Il a akhiré. Et c'est incomparable avec la France à ce niveau. Lakin tam'un, ils veulent toujours plus. C'est ça qui les a poussés à sortir, à casser. Tu leur demandes un, wallahi, ba'dhum nasharu annahum, ils ont des salaires de 2000 euros. Obama, le couple, les deux, ils travaillent, ils sont à 2000, 2500 euros par mois et ils sont fidhir, chedid. Pas de baraka. Et ils n'ont pas de qana'a. Wallahi, s'ils leur donnent des 1000 euros de prime, des 5000 euros de prime, tu trouveras toujours, ils voudront plus. Tu trouveras leurs enfants, ils se rebelleront, on veut encore plus. Ah, comme ça. Tu trouves fi ba'd bildan muslimin, alhamdoulilah, ils ont très très peu et ils sont firaha. Tu lui demandes, ça arrive avec les vieilles personnes, robama adjouza, une femme, tu lui demandes, elle n'a rien. Elle dit alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ni elle sort dans la rue, ni elle se plaint, elle dit alhamdoulilah, limada, li anna mu'mina. Et elle sait qu'elle va mourir. Et khalas, cette vie seule, elle n'a pas eu, inshallah, elle aura mieux fil jannah. C'est ce point. La taqdarru. Al-Kuffar, quand ils disent là, on sort pour les droits, on sort, c'est du kadib. Wallahi ad-dunya. C'est que l'argent. Et c'est couvert au nom des droits, on veut nos. C'est du kadib. Et ba'd al-muslimin, il-asaf, ta'atharu. Al-hadith qu'on a cité, fi sahih muslim, on n'a pas cité la fin, qala, fahuwa ajdar, an tazdaru ni'mat Allahi alaykum. Tazdaru. Al-izdiras, al-ihtiqar, ou al-intiqas. Et celui qui regarde celui qui est en dessous de lui, il ne regarde pas ceux qui sont mieux que lui, vide de dunya, Inch'Allah, il va s'écarter de هذا الازدراء, de ne pas apprécier ni'ma sa juste valeur. Si il applique هذا, Inch'Allah, il va apprécier un ni'ma. Mais s'il s'écarte de هذا, rubbama Allah, il lui donne, il n'est pas satisfait. عياذا بالله, au lieu d'être reconnaissant. هذا un ta'rif et un hadith fi al-qana'a. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا سيتي هذه القناعة كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. Celui qui veut réussir, qui veut être heureux, النبي صلى الله عليه وسلم il a cité le bonheur en un hadith, en une phrase. قد أفلح من أسلم. أفلح أي ça vient de le فلاح, la réussite. Qui sait qui aura réussi في هذه الدنيا وفي الآخرة من أسلم المسلم. Ça, ça nous montre que le kuffar, الكافر, il réussira jamais. Il réussira jamais. لماذا؟ لأنه c'est un kafir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste le kuffar. لماذا؟ لأنهم, ils n'ont pas voulu se soumettre à adorer Allah Azza wa Jal seul. قد أفلح من أسلم. Donc la première chose, si tu veux être heureux, réussir, أخي الكريم, l'islam. ثم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى ورزق كفافا اي سكيلا ولله الحمد يكفيه هذا يسوغا اوغو اون ميزون او ان ابارتمون مهم ان لوجمون الحمد لله il a de quoi s'habiller, il a de quoi manger, الحمد لله اي في دي زيفور في طاعه الله سبحانه وتعالى الى ادور الله عز وجل حتى يلقى الله اي بيان سور il fait les causes pour avoir هذا الشيء كي va lui suffire. Troisième, donc l'islam. ثم رزق كفافا وقنعه الله بما اتى. Troisième chose, ce risque que Allah lui a donné, كذلك الله سبحانه وتعالى lui a donné القناعة. Aïe, il se contente de هذا. Il dit Alhamdulillah. Et il applique le hadith qu'on a cité auparavant. أن الحمد لله certains n'ont rien. Celui qui a هذا, فلا شك أنه il sera heureux. Le qalb, il est traité et كذلك il a ce manhaj. Et ce qui contredit هذا, c'est hubbu dunya. Celui qui aime trop dunya, qui parle que dunya, ses efforts que cette dunya, ça contredit هذه القناعه. Là, ouais, il voudra toujours plus et il fera des efforts que pour cela et son cœur il deviendra malade et il sera jamais heureux. قال, on revient au kalam de Cheikh Saadi. فإذا أدركت حق الإدراك نعتهم هذا عرفت أن نعيم الدنيا في الحقيقة هو نعيم القناعة برزق الله وطمأنينة القلوب بذكر الله وطاعته. Si tu as compris هذا, donc ما يتعلق بالقناعة, et on va pas traduire ce mot, لأن on l'a expliqué, c'est se contenter ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné au عبد, ça le satisfait et il se contente de هذا et il veut pas toujours plus et à n'importe quel prix pour avoir plus, c'est ça le قناعة. فالسلوي كي هذا فالحمد لله. قال وطمأنينة القلوب بذكر الله وطاعته. Bien sûr, adorer Allah سبحانه وتعالى. Et c'est le troisième point qu'on détaillera ensemble, inshallah. قال وأن الواحد من هؤلاء لو لم يكن عنده من هذه الأمور وهي القوة والصحة والمال والأهل والولد وتوابع ذلك إلا الشيء القليل لكان فرحة وسرور من وجهين. Ce مؤمن qui a cette qana'a, même s'il a un manque dans sa santé, même s'il a un manque niveau argent, même s'il a un manque, rubbama il n'a pas d'enfant, rubbama il n'est pas marié, même s'il a un manque dans d'autres choses, il sera heureux. L'imad, il a son cœur. Son cœur, walillahi alhamd, il est traité, il est soigné. Deux cas, ou deux raisons. قال من وجهين جهت القناعة وعدم تطلع النفس وتشوفها للأمور التي لم تحصل. Et ça c'est très très important. قناعة, il se contente de ce qu'il a. وعدم تطلع النفس, et ça c'est important. أما الآن c'est une مصيبة. واحد il a rien. Et عياذا بالله, il espère des choses et il vit في خيال. لماذا؟ لأن il regarde l'Occident. Surtout avec les médias, les téléphones, il a akhiré, ou les films. Ou les séries, ils ont un mode de vie, c'est virtuel, c'est pas réel dans beaucoup de choses. Et où il est fait khayal, il espère, toute sa vie il fera pour avoir comme à où leur ressembler. قَالَ وَتَشَوُّفِهَا لِلْأُمُورِ أَلَّتِ لَمْ تَحْصُلُ. Des choses qu'il n'est même pas concerné, Rubbama. C'est même pas dans on parle même pas, c'est même pas dans son dîn, c'est même pas dans sa culture. لكن عِيَّدًا بِاللَّهِ طَمْعُن. لِمَاذَا. Ça vient de qui, ça? Al-Kuffar. Al-Kuffar, ils font tout pour attirer le muslimin عندهم. Et leur faire croire que c'est eux le modèle. La vie de rêve, c'est عندهم. حَتَّى ce mu'min مسكين, ça devient une proie de هؤلاء et أضعف. Thumma, il se rabaisse, vu qu'il n'arrive pas à voir ces choses, son cœur il se serre, il a une vie misérable. Qala, deuxième point, وَجِهَةِ مَا تَرْجُوهُ مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ عَلَى هَذِهِ الْعِبَادَ الْقَلْبِيَّةِ الَّتِي تَزِيدَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ. Et c'est ça qu'on oublie, nous, أحيانا. هذا العبد, qui a cette قناعة, le fait d'être satisfait, de se contenter du peu, et d'être reconnaissant, c'est une ibad azim. Comme a dit le Cheikh Saadi, tazidu ala kathir min al-ibadat al-badaniya. Cette ibad, c'est une adoration du cœur. Être satisfait, être reconnaissant et se contenter de ce qu'on a, ça dépasse beaucoup d'adoration avec les membres. Et vu que c'est une adoration, forcément Allah y récompense. C'est une ni'ma azim. Il est fi khair. Fait dunya, et yom qiyama, des récompenses qui l'attendent par rapport à sa situation. C'est une ni'ma. Qala, fa inna ta'abbud lillah bi ma'rifati ni'amihi wa li'i'tiraf biha wa rida biha wa raja' lillah an yudimaha wa yutimaha wa an yaj'alaha wasilatan ila ni'amin ukhra wa an yaj'alaha tariqan lissa'adati al-abadiyya. Na'am. At-ta'abbud lillah, c'est une adoration. C'est une adoration, de reconnaître anna cette ni'ma c'est min Allah, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le baraka, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que cette ni'ma soit bénéfique, qu'elle reste. Tout ça c'est une adoration et le mu'min ne doit pas négliger ça. قال لا ريب ان هذه الاحوال القلبيه من افضل الطاعات واجل القربات. Ça fait partie des plus grandes adorations. تعلمون ان العباده القلبيه c'est des adorations très très importantes. Le mu'min doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec sa langue, prononcer la shahada, faire du dhikr, lire le Qur'an. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses membres, faire le hajj, faire la salat, ila akhir, et kadhalik avec son cœur. Être sincère, être véridique, être satisfait, se contenter de ce qu'on a, tout ça c'est des ibadat. Qala, fakam bayna surur هذا الذي تعبد بروح الدين وحصلت له الحياة الطيبة وبين من تلقى هذه النعم بالغفلة وعدم الاعتراف بنعمة المنعم وشقي بهمومها وغمومها وكان إذا حصل له شيء من مطالب النفوس لم يرضى بها بل تشوف إلى غيره وتطلع لسواه. Une énorme différence. Peut-être que tu vas trouver cette personne qui est décrite là. Annahu, il n'est jamais content, il n'est jamais satisfait, il veut toujours plus. Peut-être qu'il a deux fois plus que l'autre. On prend l'exemple d'un mu'min. Il a très très peu, lakin, alhamdoulilah, il est satisfait, il se contente du peu, il est content, il est reconnaissant, et il regarde ceux qui sont en dessous de lui. Pour lui, c'est comme un roi. Il est fini en azim. Pourtant, il n'a pas grand-chose. Un deuxième, on prend l'exemple d'un kafir, il a beaucoup. Lakin, il n'est jamais satisfait. Il veut encore plus. Tu trouveras celui qui a presque rien ou qui n'a pas beaucoup, il est beaucoup plus heureux que l'autre. Et c'est ça le but de ce cas-là. De ne pas oublier ses priorités. Ce qui rend heureux, ce n'est pas l'argent. Là, ce qui rend heureux, ce n'est pas dunya. La dunya mal'ouna, Allah il a maudit cette dunya. Et l'argent, c'est une fitna. Ce qui rend heureux, c'est l'islam. C'est l'iman. C'est la foi. Et bien sûr, l'argent c'est une cause pour certaines choses, laquelle on le laisse en tant que cause. قال فهذا يتنقل من كدر إلى كدر آخر لأن قلبه قد تعلق تعلقا شديدا بمطالب الجسد فحيث جاءت على خلاف ما يؤمله ويريده قلق أشد القلق وهو لا يزال في قلق مستمر لأن المطالب النفسية متنوعة جدا. Une description de Mila de celui qui ne se contente pas du peu, qui veut toujours plus. Et qui n'est pas reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla. Son cœur, il est toujours sale. Il durcit de jour en jour. Pourquoi ? قال تعلق تعلقا شديدا بمطالب الجسد. لماذا؟ لأنه il est trop accroché à الدنيا. Il est jamais content, il est jamais satisfait. قال فحيث جاءت على خلاف ما يؤمله ويريده. مثلا الله سبحانه وتعالى رزقه une chose, un téléphone مثلا. Au lieu de dire alhamdulillah et utiliser ce téléphone في الطاعات الله, là il est pas content. Là, لكن les autres ils ont le nouveau modèle, les autres ils ont كذا, les autres ils ont cette marque. Ce téléphone qu'il a, pour lui, c'est même plus une ni'ma, c'est même plus un plaisir. Ben, il fait tout pour s'en débarrasser, il pense déjà à un autre. Il va acheter le nouveau modèle, un autre il va sortir, il n'est pas content. Alors que tu trouves Al-Mu'min, qui a de la qana'a, même s'il a un ancien modèle, l'essentiel, il fonctionne, c'est une ni'ma pour lui. Mais il va l'utiliser comme l'autre. Il va téléphoner, et il est fait. قال لأن المطالب النفسية متنوعة جدا. Celui qui suit dunya, ça s'arrête jamais. Prends l'exemple, on reste toujours dans les téléphones, vu que c'est le monde qu'on vit, c'est beaucoup sur hada, les téléphones, les ordinateurs, toute cette technologie. Si tu viens suivre hada, ça s'arrête jamais. Tous les jours il y a des nouveaux modèles, tous les jours ils inventent une chose, tous les jours. Si tu suis hada et tu t'accroches trop, tu ne seras jamais satisfait. لماذا؟ لأن كما قال المطالب النفسية متنوعة. Et ton nefs, elle a beaucoup de demandes. Les téléphones, les voitures, les maisons, l'argent, les voyages, les vêtements, ça ne s'arrête jamais. Tu prends que les vêtements, si tu suis les vêtements, ayyadam billah, ça peut t'égarer de ton din. C'est que les vêtements, ils achètent, ils ne les portent même plus. Et l'Obama, ils voyagent pour ça, ils travaillent pour ça. La salah, la hajj, la zakat, la siyam, la tawhid, ou la shay, prends l'exemple des kafara. Et ils sont dans la mode, il a akhri, ayyadam billah. قال فلو وافقه واحد لم يوافقه الآخر عيادا بالله. لماذا؟ لأن بعض الناس le cœur il est malade, ils sont jamais contents, jamais satisfaits. On peut citer هنا un hadith رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. تأمل هذا الحديث كي ديكري هؤلاء. لو كان لابن آدم واديا من مال, تأمل واد, الواد من مال, الواد c'est une rivière, un fleuve. Cette rivière ou ce fleuve rempli de mal, il en a deux. Ou s'il en aurait deux, واديا من مال لابتغى واديا ثالثا, s'il aurait deux, le volume, la quantité, et il aurait voulu et cherchera plutôt cet être humain un troisième. L'être humain, il est hakada la yeshba, il est jamais rassasié, il veut toujours plus. Sauf al-mu'minun as-salihun, qui mettent cette dunya dans leurs mains, pas dans leur cœur, et qui se servent de cette dunya pour l'au-delà. Mais celui que son objectif c'est que dunya, ayyadan billah, il sera concerné. قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. بشرى, celui qui fait التوبة, الله سبحانه وتعالى lui pardonne. Et Allah, le prophète صلى الله عليه وسلم, هنا il a précisé ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أي جوف ابن آدم, أي son ventre, sa gorge, il a arrêté, ça se remplira de التراب. Pourquoi il cherche cette dunya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi sharh Muslim qal wa ma'na la yamla jawfahu illa at-turab annahu la yazal harisan 'ala ad-dunya hatta yamut wa yamtali jawfahu min turab qabri. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal wa la yamla jawf ibn Adam illa at-turab. Ay l'Imam An-Nawawi il a expliqué An-Nawawi, cet être humain il va faire des efforts fi ad-dunya, il va faire jusqu'à qu'il sera touché par la mort, et quand il mourra, vu qu'il n'a pas été rassasié fi dunya, toujours il cherchera de dunya, toujours, toujours, toujours les nouvelles modes, toujours les nouvelles technologies, il mourra, et ce ventre qui n'était jamais rassasié, il sera rempli de quoi? Dans la tombe de Torah, de terre. Ayyadam billah. Hakada hal ibn Adam. Amma al-mu'min, il sait qu'il finira sous terre. Enfin, il prépare ce moment. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié, il a montré à la tombe du mu'min. C'est pas comme la tombe du kafir qui adorait dunya. Là, la tombe du mu'min, elle sera élargie. Wa yufrash lahu min al-jannah, des tapis de al-jannah, une fenêtre ouverte al-jannah, une bonne compagnie, et ses œuvres pieuses, alhamdulillah, contrairement aux mujrim, aux kafirs. هذا سحديد pour argumenter que la Cheikh Saadi هنا قال وربما اجتمع في الشيء الواحد سرور من وجه وحزن من وجه آخر فصفه ممزوج بكدر وسرور مختلط بحزنه. صحيح بعض الناس ils sont contents d'un côté لكن d'un autre ils sont, ça leur suffit pas et ils sont moitié-moitié, pourtant ils reçoivent une ni'ma. لماذا؟ لأنه يبنس يفعله قال فأين الحياة الطيبة لهذا؟ et ça c'est exactement حال الكفر en Occident ou autre, malgré les nouvelles technologies, malgré les avancées, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils sont في قلق وضيق et ils auront jamais الحياة الطيبة السعادة أبدا لأنه il leur manque الإسلام قد أفلح من أسلم. قال وإنما الحياة الطيبة لأرباب البصائر والحجة لأرباب البصائر نعم العلم البصيرة الإيمان سيحاولا كي أغون الحياة السعيدة أي ceux qui font des efforts في العلم ceux qui font des efforts dans l'apprentissage de la religion qui mettent en application والحجة أي العقل ceux qui ont un عقل ولله الحمد qui est fondé sur le خير فطرة سليمة. Amma haoula al-kuffar, ils prétendent avoir la raison, ils sont doués de raison, et ils sont quel an'am. Belhum, avallu sabila, comme il les a qualifiés, Allah Azza wa Jal, ils sont pires que les bestiaux. Qala alladhina yatalaqawnaha kullaha bil qaboul wal qana'a wal rida. C'est haoula qui sont heureux. Anna sani'an d'Allah subhanahu wa ta'ala, awulan ils les acceptent, ils reconnaissent, et ils se contentent de ce qu'ils ont. Et ils sont satisfaits. Limada. Parce qu'ils savent que c'est qu'un passage. Prends Wahed, maintenant il n'a rien, min al-mu'minin. Comme a dit Afil Hadith. Afqar ahl al-dunya. Un mu'min qui n'avait rien. Il vivait dehors, il n'arrivait pas à manger, il n'arrivait pas à se vêtir, ni famille. Une vie très très dure. Elle est si patiente. Il meurt à la tawhid. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé anna hadha yurmas. Une fois fil Jannah, il est trempé fil Jannah, comme on trempe quelqu'un dans l'eau. Une fois il est rentré fil Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu la, est-ce que tu as déjà souffert fil dunya? Il dira la ya Rab. C'est ça l'essentiel. Tout est oublié, cette dunya ça va passer. Al-aks, al-kafir, qui recherche que les plaisirs de cette dunya. Et il pense que c'est ça son, que c'est ça sa demeure. Amma. Amma al-akhira, كثير منهم y croient plus. Ha'oula, واحد منهم. Celui qui aura eu la vie la plus aisée fi dunya, qui aura eu le plus de plaisir fi dunya. Femme, voiture, maison, argent, il a akhira. Il mourra, comme tout le monde. Il peut faire ce qu'il veut, il mourra. Personne dans l'histoire a réussi à éviter la mort, et personne l'évitera. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ha'ala, il sera plongé, trempé, rentré. Une fois vinnar, fayuqalula, est-ce que tu as déjà été heureux? Il dira la, abadan, j'ai jamais goûté un plaisir. Il oubliera tout. Donc c'est ça notre objectif dar al-akhira. Hada c'est un kalam nafi'. Et on peut citer qawlullah azza wa jal, et c'est la base fi hada. Qala azza wa jal, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تأمل قوله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. C'est exactement comme قول الله عز وجل, comme قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم. Et هنا مؤمن لا بد من إيمان من إسلام أي للدين. فالسلوكي qui est مؤمن من عمل الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Un مؤمن et qui fait des œuvres pieuses. C'est ça le dîn. Ça nous explique c'est quoi l'iman. L'iman c'est l'amal. Amma islam ou iman sans faire qu'une prétention, une étiquette, là. هذا ce مؤمن qui fait des efforts et qui applique. C'est quoi sa récompense? فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Il aura une vie heureuse. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les voitures? Est-ce que c'est les maisons? Est-ce que c'est suivre les koufars? Abadan. Akhil Karim, tu es dans un pays musulman, ihmadillah. Fais des efforts, fais des efforts, fi al-amal. Adore Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, fais les causes pour manger, pour avoir un appartement, il a akhiri, et tu verras que tu seras firaha, la ya'lamuha ahadun, illa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ad as-salaf minhum, Ali radiyallahu anhu, Yurwa anhu, wa kadhalika al-Hasan al-Basri, et d'autres, comme il a rapporté l'imam Nujarir, al-Tabari rahimahullah, dans son tafsir, dans ce verset, ils ont expliqué al-Hayat al-Tayyiba, bil-qana'a, qawluhu falanuhiyannahu hayatan tayyiba, et il aura une vie heureuse. Ils ont expliqué, c'est quoi cette vie heureuse? Est-ce que c'est l'argent? Là, pas forcément. Est-ce que c'est des maisons? Là, ils ont dit, c'est quoi cette vie heureuse? Al-qana'a, il se contentera du peu, il aura une vie heureuse. Ce verset, c'est un fondement dans ce point. Comment avoir une vie heureuse? Enfin, ce verset, ceux qui veulent le recopier s'ils ne le connaissent pas, min surat an-Nahl. Et on conclut avec hadith Anas radiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kanat al-akhiratu ham, ja'ala Allahu ghina fi qalbihi wa jama'a lahu shamla. Celui dont l'objectif c'est al-akhira, man kanat al-akhiratu ham. Son ham, al-ham c'est quoi? Ses soucis, sa préoccupation c'est quoi? C'est l'au-delà? Il pense à l'au-delà? Qala alayhi salatu wassalam, ja'ala Allahu lahu, ou ja'ala Allahu ghina fi qalbihi, wa jama'a lahu shamla, wa atatahu ad-dunya wa hiya raghima. Ay dhalila maqhura. Dunya qui viendra à lui. Celui dont l'objectif c'est l'akhira. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il met la richesse dans son cœur. C'est quoi cette richesse? C'est le qana'a. Même s'il a peu, il est riche. Même s'il n'a pas beaucoup, pourquoi? Il se contente. C'est qui haoula? L'objectif c'est l'akhira. Qala wa jama'a lahu shamla. Tadalik Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite tout. Même s'il a un peu, alhamdulillah, tout est facilité. Contrairement au deuxième cas que Nabi sallam il va citer. Qala wa atatahu ad-dunya wa hiya raghima. Il est mechgoul avec l'ilm, il est mechgoul avec l'ibada. Bien sûr, il fait des causes, et c'est dunya qui vient. Et dunya, elle vient raghima, et dhalila maqhura. Alhamdulillah, dunya, elle est dans ses mains, elle n'est pas dans son cœur. Et ce n'est pas une fitna pour lui. Deuxième cas, قال النبي صلى الله عليه وسلم, وَمَنْ كَانَتَ الدُّنْيَا هَمَّ. Le premier, son objectif, c'était l'au-delà. Le deuxième, c'est ce bas monde. وَمَنْ كَانَتَ الدُّنْيَا هَمَّ. جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala il place la pauvreté entre ses deux yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si là il a toujours peur. Ils ont des salaires, deux salaires, plus des aides, ils manifestent encore. L'imada ils manifestent, ils ont peur. Wallahi, toutes ces manifestations, la cause c'est la peur. Ils ont peur des retraites, ils ont peur que le système de la sécurité sociale il s'effondre, ils ont peur de kaza, ils ont peur. Alors qu'ils ont, wallahi, tu trouves, pardon, ils manifestent et quand ils parlent, ils décrivent cette peur. Tu vois son compte en banque, il y a beaucoup. Il a cette peur. Et tu trouves le mu'min, il a de quoi lui suffire aujourd'hui, demain, une semaine, et après, et il est firah. Pourquoi? Le mu'min, il sait qu'il peut mourir demain. Et ce qu'il fait, il pense à la retraite. Il est jeune, ils font des manifestations pour la retraite. Souvent. قال عليه الصلاة والسلام ومن كان الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه الشملة. Si son objectif c'est dunya, Allah yufarriq shamla. Ça veut dire quoi, hada? Ça veut dire que roubama, il va travailler, il va faire des efforts, que dunya, l'argent, Allah il l'éprouve. La femme elle tombe malade, le fils il tombe malade, il fait un accident, il a des amendes, il n'arrive pas à s'en sortir. Tu trouves l'autre, il a un peu, Allah yajma' shamla et de la baraka. C'est pour ça que des riches, ils sont endettés. Tu as déjà vu, hada? C'est un riche, il a de l'argent, lakin il est endetté, il doit donner à lui, il doit donner à lui. Et sa fortune, il doit aux autres, ayyadam billah. قال وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله. Est-ce qu'il recevra de dunya que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a qadr, que ce que Allah il a décrété. Il peut aller à droite, aller à gauche, manifester, crier, casser, il aura que ce que Allah il a qadr. Ça nous montre, et on conclut بهذا, أن هذا الباب القناعة Et il se contentait de peu, c'est fondé sur quoi? Sur l'iman bil qadar. Celui qui a hadha l'iman, alhamdulillah. Il a beaucoup, il sait que c'est bi qadarillah, il n'a pas beaucoup, il sait que c'est bi qadarillah. Et son objectif, c'est al-jannah. Al-hadith, rawah al-imam al-tirmidhi, rahimahullah, ou al-shikh muqbil, sahahahu, fi al-jami' al-sahih, mimma laysa fi al-sahihayn, naktafi bi hadha al-qadr, walhamdulillahi rabbil alameen.